إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important au sujet duquel nombreux sont ceux à interroger. Et celui-ci concerne les causes pour réussir à se recueillir et à se concentrer durant la prière. L'humilité ou le recueillement durant la prière fait partie des causes de félicité et de bonheur pour le croyant ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles, ceux qui se recueillent dans leurs prières. Les gens de science ont dit que ce qui est visé par le khushu', que l'on traduit généralement par l'humilité ou le recueillement, c'est le fait de réunir, durant ta prière, entre le calme, la sérénité, la quiétude, la tranquillité, la concentration et l'humilité. Et ce qui doit te pousser à cela est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que tu es conscient qu'il t'observe. La base de l'humilité se trouve donc dans le cœur. Et ce qui se trouve dans ton cœur, comme on l'a vu dans un cours précédent, aura une conséquence directe sur les actes du corps et également sur l'attitude de la personne lorsqu'elle est en prière. C'est pour cela que nul ne peut atteindre l'humilité en prière et se recueillir dans celle-ci comme il se doit, si ce n'est en libérant son cœur pour la prière et en s'y consacrant. Et si tu ressens un manque d'humilité, un manque de khushu' lorsque tu es en prière, tu dois savoir que ceci provient inévitablement du détournement de ton cœur ou de ta distraction au moment de la prière. C'est pour cela que j'ai tenu à mentionner dans cette assise quelques causes, non pas toutes les causes, mais certaines d'entre elles, qui sont à effectuer et qui nous aideront à atteindre l'humilité et à nous recueillir durant nos prières. Et tout d'abord, il faut savoir que pour atteindre cet objectif, tu as besoin de te préparer pour cette prière et d'accomplir certaines choses afin de te mettre en condition avant de prier. La première cause et la plus immense est que tu aies conscience de l'immensité et de la grandeur de celui pour qui tu accomplis cette prière, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et tu dois avoir conscience que lorsque tu pries, Allah t'observe, Allah te voit, Allah t'entend. Allah sait à quoi tu penses, il sait ce que renferme ta poitrine. Tu dois donc avoir conscience de cela. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, وتوكل على العزيز الرحيم et place ta confiance en le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. الذي يراك حين تقوم celui qui te voit lorsque tu te tiens debout. Lorsque tu te tiens debout pour prier, Allah te voit. Il te rappelle cela dans ce verset. Et il dit وتقلبك في الساجدين et il voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Il voit tes gestes lorsque tu es en prière, il voit tes mouvements. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. C'est lui vraiment celui qui entend tout et qui sait tout. Donc si tu as bien conscience de ce point, ceci t'aidera à tout faire avant et pendant cette prière pour l'accomplir de la meilleure manière. Médite sur la situation d'un homme qui aurait rendez-vous avec le patron d'une grande entreprise pour signer un contrat chez lui et obtenir une place ou un poste dans son entreprise. Comment va-t-il se préparer? Des jours et des jours en avance. Il va réfléchir à ce rendez-vous où il va, réfléchir à ce qu'il va dire, comment se présenter, comment s'habiller, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il sera sur place, qu'est-ce qu'il ne va pas faire devant lui, et ainsi de suite. Il va réfléchir à tout cela au préalable. Alors que dire de celui qui s'apprête à se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois, le Seigneur de l'univers. Et tu te tiens debout devant lui espérant obtenir une place, non pas dans une entreprise ou pour un travail, mais espérant obtenir une place au paradis, un paradis éternel, dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Donc cette prière mérite bien plus de se préparer pour cela, de savoir comment tu dois t'habiller pour cette prière, qu'est-ce que tu dois dire dans cette prière, qu'est-ce que tu ne dois pas faire dans cette prière, quels sont les gestes à accomplir et les gestes à éviter. Tu dois te préparer à cela. Parfois on voit certaines personnes, ils entrent à la mosquée, ils sont en train de discuter, et il termine à peine sa phrase, il est encore en train de sourire à son compagnon, et il dit « Allahu Akbar ». Comment veux-tu pouvoir te concentrer en prière si tu agis de cette manière? Tu es en train de parler, et en même temps que tu parles, tu lèves tes mains et tu entres en prière. Prépare-toi. Prépare-toi avant d'entrer dans cette prière. Et entre dans les préparatifs, le fait de choisir le bon endroit pour prier. Tu ne vas pas prier dans un endroit où des choses pourraient te distraire. Dans un endroit, par exemple, où il y a du bruit, de l'agitation. Mais tu choisis l'endroit et le moment le plus propice au recueillement et à la concentration. Si par exemple tu as des enfants qui sont dans une pièce en train de jouer, ne va pas prier à côté d'eux lorsqu'ils jouent. Mais s'il t'est possible d'aller dans une autre pièce, mets-toi dans une autre pièce. Comment veux-tu te concentrer en prière alors qu'ils sont en train de jouer, de parler devant toi et tu risques de tendre l'oreille ou même de tourner les yeux vers eux lorsque tu pries? Donc choisis le bon endroit. Ne te mets pas non plus pour prier à côté de gens qui sont en train de discuter. Il se peut que tu sois tenté à tendre l'oreille sur leur discussion. Également, certaines personnes, lorsqu'ils entrent à la mosquée, ils prient au fond de la mosquée. Et lorsque tu es au fond de la mosquée, qu'est-ce qu'il se passe? Tu vois tout le monde. Tous ceux qui viennent, qui partent, qui rentrent, qui sortent, et ainsi de suite. Et ceci risque de te distraire. Ceci risque de détourner ton regard. Et détourner le regard durant la prière est une chose détestable. Et qui va t'éloigner du recueillement. Donc tu vas choisir un endroit où rien ne te perturbe, de préférence devant un mur, devant un poteau, et également, si tu es chez toi, de préférence devant un mur qui est uni et sur un tapis de couleur unie, afin de ne pas être distrait par des dessins ou des écritures lorsque tu es en prière. Car le prieur, il peut être distrait par la moindre chose. Un petit dessin sur le sol ou sur le mur peut le distraire et te faire sortir de ton recueillement en prière. La moindre écriture peut distraire le prieur. Et j'en profite pour faire un rappel à tous ceux qui viennent à la mosquée avec des vêtements sur lesquels il y a des dessins ou des écritures. Craignez Allah à l'égard de vos frères. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de vos frères qui prient derrière vous et qui vont être distraits par ces dessins et ces écritures. Toi, tu es en prière, tu ne tiens pas compte de cela, mais ton frère derrière toi, ou même peut-être tout le rang, ils sont en train de lire ce qu'il y a écrit sur ton pull ou ton t-shirt ou autre. Donc crains Allah à l'égard de tes frères. Et ne viens pas avec un vêtement qui pourrait les perturber dans leur prière. Et ceci nous pousse également à veiller, à venir tôt à la prière afin d'atteindre le premier rang et éviter ce genre de perturbation dans nos prières. Donc le musulman, lorsqu'il s'apprête à prier, il doit choisir l'endroit et le moment adéquat afin de bien pouvoir se recueillir. Car si tu ne fais pas cette cause au préalable, sans aucun doute tu vas être distrait dans ta prière. Et ceci nous montre également l'importance de la sutra. L'importance de prendre une sutra pour prier. Car cette sutra, elle va t'aider à ce que ton regard ne dépasse pas l'endroit de la prosternation. Tu sais que tu ne dois pas aller au-delà de cette sutra. Alors que celui qui prie sans sutra, il n'a pas cette limite. Et c'est pour cela qu'on voit souvent des personnes qui prient sans sutra. Ils sont au milieu de la mosquée, et ils regardent à droite, à gauche, devant lui, ainsi de suite. Comme s'ils ne priaient pas, Wallahu al-musta'an. Également parmi les choses qui vont t'aider à te recueillir durant ta prière, il y a le fait de ne pas entrer en prière alors que tu es distrait ou que tu es préoccupé par une chose qui occupe ton cœur. Comme lorsque tu as besoin d'aller aux toilettes par exemple. Ceci est détestable. Mais il est demandé à la personne dans cette situation d'aller au préalable faire ses besoins puis de renouveler les ablutions et de prier ainsi libéré de cette gêne. Également, tu ne vas pas prier alors que la table est servie et qu'il y a sur elle un repas que tu désires manger. Ceci risque de te perturber dans ta prière, et te pousser à prier rapidement et sans recueillement. Donc tu dois te mettre en condition. Et bien sûr, j'attire votre attention, que ceci ne concerne pas le repas du rupture, lors du mois de Ramadan, ou lorsque l'on jeûne de manière générale. Lorsque tu jeûnes la sunna, et que dès qu'entre le temps de la prière d'El Maghreb, tu romps ton jeûne. Ensuite, tu vas d'abord prier la prière d'El Maghreb. Et ce n'est qu'après cela que tu prends ton repas de rupture. Mais tu ne commences pas par le repas avant la prière. Ceci est une erreur. Ne dis pas oui, mais j'ai faim, je désire manger ce repas. Naam. Suis en cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rompait son jeûne avec quelques dattes ou avec quelques gorgées d'eau, puis ensuite allait prier la prière de l'Maghrib. Mais en d'autres temps, ou alors lorsque tu entres chez toi, que tu souhaitais faire une ratiba par exemple, et que tu arrives, et que le repas est servi, il est posé. Commence par ce repas, et repousse cette prière que tu accompliras après le repas, incha'Allah ta'ala, afin de pouvoir l'accomplir correctement et avec recueillement. Donc lorsque tu t'apprêtes à entrer en prière, fais en sorte de n'avoir aucune chose qui pourrait te distraire ou préoccuper ton cœur. Également, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles préparent à manger, elles partent prier alors qu'elles ont quelque chose sur le feu ou quelque chose au four. Et il n'y a pas de doute que ceci va perturber la personne durant sa prière. Comment peux-tu te recueillir alors que tu sais qu'il y a peut-être un aliment qui risque de brûler? Ceci va pousser la personne à quoi? À raccourcir sa prière, à l'accomplir de manière brève, afin de vite pouvoir se rendre auprès de ce four ou de cette cuisinière pour surveiller ces aliments qui sont en train de cuire. Donc de manière générale, tu t'écartes de tout ce qui pourrait te préoccuper. Termine ces choses et ensuite va prier d'un cœur libre pour la prière. Également parmi les choses qui vont t'aider à te recueillir, il y a le fait de penser à bien éteindre ton téléphone ou au moins le mettre en silencieux pour ne pas être dérangé durant ta prière par une sonnerie ou un appel. Et également si tu pries à la mosquée afin de ne pas déranger tes frères et sœurs parmi les prières. Car si ton téléphone sonne en prière, même si tu le mets immédiatement en silencieux lorsqu'il sonne, et c'est cela qui est demandé, notamment si tu es à la mosquée, de ne pas laisser ton téléphone sonner et déranger les autres fidèles. Mais tu le mets directement en silencieux si tu avais oublié de le faire avant la prière. Mais si ton téléphone sonne, cela va te distraire dans ta prière. Tu vas t'interroger sur la personne qui t'appelle. Pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Et ainsi de suite. Et ceci va t'empêcher de te recueillir en prière. Donc, mets ce téléphone en silencieux, afin de pouvoir prier avec recueillement et ne pas être distrait durant ta prière. Et ça, c'est valable également pour les autres adorations pour lesquelles tu as besoin de te libérer. Comme la lecture du Coran, par exemple. Si tu souhaites lire le Coran avec méditation et recueillement, et ne pas être perturbé, éloigne-toi du téléphone durant ta lecture. Mets-le en silencieux afin de ne pas être dérangé par celui-ci. Également, parmi les causes de recueillement durant la prière, il y a le fait d'accomplir différentes adorations qui précèdent la prière et qui te permettent de t'y préparer. À commencer par faire les ablutions. Lorsque tu t'apprêtes à faire tes ablutions, tu te rappelles que tu les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu t'appliques dans leur accomplissement, espérant la récompense qu'il y a auprès de lui et les nombreux mérites que l'on a vus dans un cours précédent. Et également, tu sais que tu es en train de te préparer pour ta prière. Donc tu commences à te mettre en condition, mentalement. Également, tu choisis ta tenue pour prier, comme on a dit, en évitant toute tenue sur laquelle il y a des dessins ou autres qui pourraient te perturber ou perturber autre que toi. Et tu veilles à ce que ton vêtement couvre bien ta aura en prière. Ça aussi, c'est important. Et j'insiste sur cela, surtout en ce qui concerne nos frères qui, par négligence ou peut-être par ignorance, prient parfois en pantalon. Et tout le long de sa prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre son pull ou son t-shirt ou sa veste et remonter son pantalon. Prie en kamis, mon frère. Libère-toi de cette préoccupation. Porte le vêtement qui était le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce que durant ta prière. Et tu seras libéré de cela, de tous ces gestes futiles que tu fais durant ta prière afin de préserver ta aura. Mets un kamis bien large qui couvre ta aura comme il se doit, au moins pour accomplir ta prière. Également, parmi les choses qui vont t'aider à te préparer à ta prière, il y a le fait de répondre à l'adhan, répondre à l'appel à la prière en répétant ce que dit le muezzin, puis en faisant suivre cela des invocations légiférées. Également, il y a le fait de se rendre tôt à la mosquée, pour celui qui accomplit la prière à la mosquée, ou pour celui ou celle qui accomplit la prière chez soi, d'avoir un moment de coupure entre ses occupations et sa prière, en lisant un peu de Coran avant la prière, comme peut le faire celui qui se rend tôt à la mosquée. Et en faisant cela, son cœur va s'adoucir, inshallah ta'ala, il va se préparer à ce moment immense qu'est la prière. Également, il y a le fait de faire précéder la prière obligatoire par des prières surérogatoires, qui vont te mettre en condition pour cette prière. Donc, tout ceci sont des causes qui vont te permettre de préparer ton cœur à la prière. Et ne pas entrer dans cette prière alors que tu es préoccupé, alors que tu sors tout juste d'une chose que tu as encore en tête, et ainsi de suite. Et parmi les meilleurs moyens de préparer ton cœur et l'adoucir et l'aider à se consacrer À cette prière et à se concentrer durant celle-ci, il y a le fait de te rappeler la mort, de te dire que cette prière est peut-être ta dernière prière, de te rappeler que cette prosternation est peut-être ta dernière prosternation et que tu n'auras plus l'occasion d'en accomplir d'autres après celle-ci. Et celui qui a cela en tête, il ne fait aucun doute qu'il s'appliquera à accomplir cette prière de la meilleure manière. Et rien ne le détournera de celle-ci. Mais celui qui a le cœur distrait, celui qui oublie la mort, celui qui est préoccupé par les futilités de ce bas monde, bien évidemment, il ne donnera pas cette importance à cette prière. Il a de longs espoirs. Il pense vivre encore longtemps et le reporte sans cesse, le repentir au lendemain comme on l'a vu dans le rappel d'hier. Donc te rappeler de la mort va t'aider à accomplir ta prière d'une meilleure manière, bi'idhnillahi ta'ala. Et tout ceci concerne les préparatifs avant la prière. Puis une fois que tu commences à prier, tu dois t'y appliquer avec ton cœur. Tu te rappelles, comme on a dit, que tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. C'est pour lui que tu t'inclines et que tu te prosternes. Tu fais cela par espoir de sa miséricorde et de sa récompense, et par crainte de son châtiment. Et parmi les choses qui vont t'aider à te recueillir dans ta prière, il y a le fait de méditer sur chaque mot que tu prononces. Méditer sur les versets du livre d'Allah que tu récites durant ta prière. Méditer sur toutes les paroles que tu prononces comme invocation ou évocation durant ta prière. Et ce, du début à la fin de ta prière. Tu ne dois pas réciter cela machinalement, sans réflexion et sans méditation. Mais tu te concentres sur toutes les paroles que tu prononces. Et pour cela, bien sûr, il est nécessaire pour toi d'apprendre leur sens. Nombreux sont ceux qui se plaignent du manque de recueillement en prière, mais si tu les interroges au sujet des sens des paroles qu'ils prononcent durant cette prière, ils les ignorent. Ils prononcent juste des syllabes les unes après les autres. Comment veux-tu te recueillir de cette manière? Si tu prononces juste des sons, des syllabes dont tu ignores les sens, bien sûr que ce sera difficile pour toi de te recueillir dans cette prière. Mais si tu apprends les sens de chaque parole que tu prononces, alors tu pourras méditer sur ces sens, te concentrer là-dessus. Donc apprends les sens des versets que tu récites. Apprends les sens de Surat al-Fatiha, les sens des autres surat que tu es amené à réciter en prière. Apprends les sens des formules de rappel que tu prononces durant ta prière, que ce soit durant l'inclination, la prosternation ou autre, afin de pouvoir te recueillir et te concentrer et méditer sur ces sens. Et parmi les causes qui vont t'aider à la méditation et au recueillement durant la prière, il y a le fait de réciter lentement, verset par verset, sans précipitation. Car celui qui se précipite, bien souvent, lorsqu'on récite le Coran rapidement, on a tendance à moins méditer sur les sens. Rappelez-vous ce hadith que l'on a mentionné au sujet de Surat al-Fatiha. Hadith al-Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a partagé la prière entre lui et son serviteur en deux parties. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsque tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur a fait mes éloges, a multiplié mes louanges ». Lorsque tu dis « Maliki Yawmiddin », Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon serviteur a proclamé ma gloire ». Donc tu penses à cela durant ta prière. Et ceci va t'aider au recueillement et à ne pas t'empresser dans cette récitation et dans cette prière. Également parmi les causes qui vont t'aider, il y a le fait de ne pas toujours réciter les mêmes sourates durant ta prière et également les mêmes invocations, que ce soit l'invocation d'ouverture de la prière ou les formules de rappel à prononcer durant l'inclination, la prosternation, l'assise entre les deux prosternations et ainsi de suite. Il y a une multitude de formules de rappel qui sont légiférées dans ces positions. Donc, veille à les apprendre afin de pouvoir alterner entre elles durant tes prières. Et ceci éloignera de toi la lassitude est également, cela t'évitera de prononcer cela machinalement. Car lorsque tu vas arriver en inclination, tu vas te dire « Quelle est l'invocation que je vais prononcer ici ?» Et tu vas choisir entre les différentes invocations que tu connais. Également lors de ta prosternation, également lors de l'assise entre les deux prosternations, également lors du tashahhud et ainsi de suite. Cela va t'aider à rester concentré. Contrairement à celui qui récite toujours la même chose et qui le fait machinalement. Il ne réfléchit même pas à ce qu'il dit. Également lors de ces invocations, il y a des personnes qui font toujours les mêmes invocations. Donc elles ne réfléchissent plus sur ce qu'elles disent. Elles prononcent ces mots machinalement. Il se prosterne, il fait trois fois le tasbih, et ensuite il fait toujours les mêmes invocations. D'un cœur distrait. Ceci est une erreur. Essaye de varier, d'alterner entre les choses que tu prononces dans ta prière et entre les invocations que tu adresses à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et durant ta prière, tu dois prendre garde à toute pensée qui te vient en tête, toute chose qui pourrait te distraire, toute chose par laquelle le diable pourrait tenter de t'éloigner du recueillement durant ta prière, comme tes préoccupations familiales, tes préoccupations professionnelles, ou autres parmi les choses qui peuvent te préoccuper. Rejette ces pensées lorsque tu es en prière. Ce n'est pas le moment de penser à ces choses. Mais concentre-toi pleinement sur ta prière. Repousse toutes les suggestions qui te surviennent et qui pourraient te détourner de cette prière. Et prends bien conscience que quelles que soient les choses qui te préoccupent, elles ne sont d'aucune importance en comparaison à ta prière, qui est le pilier de ta religion et une des adorations les plus nobles par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre le paradis éternel. Ce paradis dans lequel le croyant n'aura plus aucune préoccupation. Toutes ces choses qui peuvent te préoccuper au paradis, elles ne seront plus présentes. Ce sont des choses éphémères, ce sont des préoccupations qui n'ont pas d'importance. Ce bas monde, tu vas le quitter tôt ou tard. Comme on a dit au moment de ta mort, ces choses seront terminées. Mais la vie de l'au-delà est éternelle. Et cette prière que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des œuvres qui seront pour toi une cause de salut dans l'au-delà, afin d'atteindre le paradis. Donc elle est bien plus importante que toutes ces préoccupations. Donc rejette ces pensées lorsque tu es en prière. Et si tu es perturbé par les wasawis, lorsque tu pries alors, applique ce remède prophétique. Tu dis « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». Et s'il n'y a personne à ta gauche alors, tu crachotes trois fois à ta gauche durant ta prière afin de repousser les suggestions du diable. Également parmi les choses qui vont t'aider à te recueillir dans ta prière et à l'accomplir comme il se doit, il y a le fait de veiller à prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela. Il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Certains pourraient dire « Mais nous n'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, donc comment pouvons-nous faire ?» La réponse est que tout ce qu'il faisait dans sa prière nous a été rapporté par ses nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui eux l'ont vu prier. Et cela a été recueilli par les savants dans de nombreux livres. Et parmi les meilleurs livres écrits à ce sujet, il y a le livre de l'éminent Cheikh, l'imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme si tu la voyais, dans lequel il a recueilli un certain nombre de hadiths au sujet des différentes positions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière et des différentes paroles qu'il prononçait dans celle-ci. Donc si tu veilles à cela, à prier comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait, lors de tes différents mouvements, tu vas t'appliquer. Tu vas réfléchir sur la manière de te tenir dans ta prière. Dans chaque position, tu vas veiller à te tenir correctement, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci va t'aider à te recueillir, bi'idhnillahi ta'ala. Et si tu fais tout cela, tu accompliras toute ta prière du début à la fin. Tes stations debout, tes inclinations, tes prosternations, ainsi que tes récitations et les paroles que tu prononces, avec humilité et présence du cœur, incha'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs, sachez que l'humilité est l'essence même de la prière. Et c'est même l'objectif de la prière. Et c'est ce qui est inscrit en faveur du serviteur. Même si la prière d'un cœur distrait est valide, sa récompense est moindre que celle accomplie par la personne au cœur présent. Car tu es récompensé dans ta prière en fonction de ce que ton cœur perçoit de celle-ci. Plus tu feras preuve de recueillement dans ta prière, plus ta récompense sera grande, et inversement. Et parmi les causes immenses qui peuvent t'aider à te corriger à ce sujet, et t'aider à te recueillir comme il se doit durant tes prières, il y a le fait de méditer sur la situation de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, lorsqu'ils étaient en prière. Et peut-être que ceci sera le sujet d'une prochaine assise, incha'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs, khashi'in, ceux qui sont humbles et se recueillent dans leurs prières. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.